cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir fi al-qawa'id al-mutfa. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم أوسع من باب الأسماء. نعم عندما كي إكسبليك هذا الكلام هذه القاعدة باب الصفات أوسع من باب الأسماء. donc le chapitre tout ce qui concerne les صفات c'est أوسع من الأسماء. تفضل. أما قولك أن كل اسم متضمن لصفة هذا واضح هذا تقدم معنا كثيرا dans les règles sur les noms. Chaque nom il englobe un attribut parfait. أما ما يتعلق بالأفعال فعندما تفضل. أما ليس كل صفات تتضمن الاسم. نعم ليست نعم كل صفة تتضمن اسما من أسماء الله عز وجل. فمن صفات الله عز وجل اليدين والوجه إلى آخرها النزول. لا شك أننا on peut pas tirer des noms de ces صفات. والأفعال par rapport à la قاعدة أن الصفات أوسع من باب الأسماء ثم إلى سيدة الأفعال وهذا شيء مهم. تفضل أخي. لأن أفعال الله وأقوال الله متعلقة الصفات متعلقة بأفعاله وأقواله لا منتهى لها. فماذا؟ فما نستطيع أن نعصيها. نعم كما ذكر الشيخ رحمه الله أن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها. الله سبحانه وتعالى في السكر في كنت الفو. لا شك أن هذه الأفعال فلا منتهى لها. Et il a cité le verset sur le kalam et d'autres versets. هذا تستفيد منها أن أفعال الله عز وجل كثيرة جدا لا منتهى لها. الله سبحانه وتعالى يفدي أفعال دائما وأبدا. Donc ça ça montre أن هذا الباب الأفعال باب الصفات لا شك أنه il est أوسع من الأسماء. Et on a lu une autre règle. نعم Mahi, la seconde règle qu'on a étudiée ensemble, Tawaddal. Non, Thubutiya ou Salbiya. Thubutiya, معna Thubutiya. Thubutiya, أي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الثبوتية كالوجه واليدين والعلم إكس التأه. والسلبية عندما تفضل. نعم ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه مثل ماذا؟ نعم النوم والجهل والموت إلى آخره. ونفعنا تنبيه مهم في الصفات السلبية. Ah, Zed. لماذا؟ أحسنت لأن مجرد النفي لا يفيد الكمال. والله سبحانه وتعالى متصف بالكمال. Donc حتى quand on fait du nafi ça doit impliquer du kamal في حق الله. فالله سبحانه وتعالى لا ينام لماذا؟ لأنه الحي عز وجل. والقيوم ولا يموت لأنه إلى الحياة الكاملة etc. tout ce qu'on a vu dans le dars. هذه القواعد sont simples. قال رحمه الله القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها وفي نسخة بالجمع دلالاتها وأنا عندي بالإفراد vous avez madantum biljam ana fakana semanus khali al aqrab se biljam qala al dhahara min al kamal al mawsuf biha ma huwa akthar qawluhu rahimahullah al sifat al thubutiyya sifat madh wa kamal hadha taqaddam. Tout ça on l'a vu dans la première qaida, an les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont parfaits. قوله فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من الكمال أو من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. هذا مهم. Cette partie de القاعدة. وهذا سمنطق أن الأصل في الإثبات التفصيل. الأصل في الإثبات التفصيل. هذا مذهب السلف. أي أن في القرآن والسنة تتخوغ دائما في الصفات في صفات الله عز وجل أن الأصل سيكوى أي on parle في الإثبات سي التفصيل. C'est pour ça que tu trouves de nombreux versets في القرآن الكريم et beaucoup d'ahadith في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها des صفات أن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم عليم. Il a des mains, il a un visage, il descend, il est au-dessus, il est Karim, il est Rahim, il est Akhri. Chaque nom, il englobe une sifat. Donc tous les noms qui sont cités dans le Coran ou dans la Sunna, c'est un dalil pour sifat. Là, je sais que c'est du tafsil. Le tafsil, c'est le fait de détailler. C'est le contraire de l'ijmal, une chose globale, générale. Le tafsil, c'est quelque chose qui est détaillé. Le shaykh, il dit que la sifat al-thubutiyya, كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر منها كمال. Et plus il y a des صفات, et bien sûr plus il y aura du كمال. لأن الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة. Et له أفعال كثيرة عز وجل لا منتهى لها كما تقدم. فتوسع صامونتر. أي توسع صفات توسع أفعال. في الحقيقة سأعجب du كمال فوق الكمال. فهذا من ناحية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ملخص avant de lire comme d'habitude. هنا في الحقيقة ينبه أن بعض أهل البدع ils ont fait l'inverse. لا يفصلون في الإثبات كالمعتزلة الضلال. وهذا في الحقيقة on l'a déjà cité dans certains دروس. لكن هنا il y a une règle. فإن شاء الله on essaye de détailler قليلا حتى on comprend هذا الكلام. لأن si tu as compris هذا بإذن الله عز وجل ça va t'ouvrir des portes كثيرة des portes عظيمة في هذا الباب في باب علم الأسماء والصفات. ça va t'ouvrir beaucoup de portes dans la compréhension. لماذا؟ لأن si tu veux comprendre pourquoi et l'égarement de المعطلة ceux qui ont rejeté les صفات من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم tu dois comprendre هذه القواعد et c'est ça le but. لأن البعض font une erreur أنهم يقرؤون certaines choses sur بعض أهل البدع في الحقيقة ils connaissent pas l'origine أو la cause de l'égarement. وربما ils arrivent pas à comprendre certaines choses. وربما يلتبس عليهم. وربما ils exagèrent dans certaines choses. أو ربما au contraire ils ont du laxisme dans certains domaines. Tout ça c'est لماذا لأنهم ما تصوروا. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. Pour bien pouvoir juger une chose, faut déjà la concevoir, savoir pourquoi ils ont dit telle chose, pourquoi ils ont fait telle chose, et tu verras que inshallah ta'ala ça sera plus simple. On revient à notre درس فعلم ان اهل البدع qu'est-ce qu'ils ont fait من المعطلة. Ils ont pas fait التفصيل في الاثبات. الاثبات on répète c'est le fait de dire que Allah il a des mains, il a un visage, il a du ilm. Aïe de citer le sifat. Al-Thubutiyya, comme on l'a vu dans notre tarse précédent. وَهُمْ لِمَاذَ لَيُفَصِّلُونَ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ كَمَا تَقَدَّمْ مَعَنَا فِي الْأَسْمَى. Ils ont deux choubas. Si tu dis que Allah il a plusieurs noms ou plusieurs sifat, c'est comme si tu dis il y a plusieurs alihas. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il avait l'akhas la parole de Cheikh l'Islam, Taymiyyah de l'Imam al-Qayyim, تَعَدُّدْ الْقُدَمَ. Si tu dis qu'Allah c'est l'Aziz, c'est le Hakim, c'est le Jabbar, et Allah il a sifat al-Izza, wal-Hikma, wal-Ilm, wal-Qudra, fa'indahum, c'est comme si tu faisais du shirk, iyadan billah, fa'la yufassiloun. Hada min nahiya. Thaniyan, al-tafsil, vi hada al-bab, indahum, yestelzim, ça va impliquer, mada, si tu dis qu'Allah il a des mains, il a un visage, il a une vie, il descend, il sait, il a des yeux, il voit, il entend, indahum, ça va impliquer ماذا? Une ressemblance. فليالهم, pour s'écarter de ces deux choses, الإشراك بالله عز وجل والتمثيل, ils ont خالف السلف في هذا وانحرف. أما السني, celui qui suit الرعيل الأول, les premières générations من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم, il fait comme ils ont fait, il croit comme ils ont cru. فهم لا شك أنهم أثبتوا هذه الصفات. لماذا؟ لأن السوسيتي دان القرآن والسنة. Et la chèque en a un nefou certaines choses. L'imada li anna al nefi, kadalik il est moujoud fil Quran ou sunna. Lakin, si tu réfléchis, si tu analyses les textes, tu verras que fil ithbat ya al tafsil. Fil sifat, dans les nusus, dans les textes du Quran de la sunna, al ithbat, les affirmations, tu peux traduire par affirmer, accepter le sifat, tu verras que c'est en détail. Allah, il a des mains, il a un visage, beaucoup de sifat et beaucoup de noms. Tu verras que al-nafi, c'est l'inverse, c'est bil-ijmal. Il n'y a pas de détails, c'est pas détaillé, sauf dans certains cas. On revient à Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, si vous avez compris. Qala rahimahullah. Wa li hada, kanat al-sifat al-thubutiyya allati akhbar Allahu biha an nafsihi akthar bi kathir min al-sifat al-salbiyya kama huwa ma'loum. Si on a compris hada, fala shak أن الصفات الثبوتية elles sont beaucoup plus nombreuses et les attributs sont beaucoup plus nombreux الثبوتية que bien sûr المنفية. هذا c'est clair. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح il a cité un مثال طيب pour nous simplifier tout ce qu'on vient de dire et de lire. قال رحمه الله والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير. Donc, الصفات الثبوتية, الإثبات, c'est affirmer. Les attributs الثبوتية sont beaucoup plus que المنفية. لأنها تدل على المدح. Et ça, c'est important. لماذا؟ لأن الصفات الثبوتية تدل على المدح. مثلا, la science. مثلا, الله سبحانه وتعالى, il est au-dessus. مثلا, la capacité. Matalan, la force, tout ça c'est une bab le metr. Vous connaissez le mot metr. Le metr c'est complimenter, citer les choses positives de quelqu'un en langue arabe. Amma huna, le metr c'est citer les sifat d'Allah Azza wa Jal parfaites. Qala, wa lidhalik, law annaka waqafta amam malk min al muluk wa qulta anta al karim bila shuh wa anta al shuja' bila jubn wa anta al jawad bila qilla. إلى آخره أنت القوي بلا ضعف فلا شك أن هذا سجمته. Si tu te présentes devant un responsable, un roi, un gouverneur, un président et tu veux le complimenter, فلا شك que si tu lui dis أنت الكريم et tu es généreux بلا شح et tu n'es pas avare وأنت شجاع tu es courageux et إلى آخره et tu cites des caractéristiques ثبوتية, فَلَا شَكَنْ نَهُ il va apprécier. Et via هذا الحال, tu l'as complimenté, il n'y a aucun problème. Et اسمعوا la suite, حتى ça devient encore plus clair. أَمَّا لَوْ قُلْتَ لَهُ تَأَمَّلُوا الْآن, cet exemple de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est pour te montrer أن التفصيل في الإثبات c'est مذهب للسنة. Pourquoi? لأن c'est du متح. أَمَّا التفصيل في النفي c'est pas من مذهب للسنة. لماذا؟ قال Cheikh Ibn Uthaymeen, وَأَمَّا لَوْ قُلْتَ, si tu dis à un responsable, à un roi, à un président, anta lasta bizabbal, ça c'est du nafi. Ta'ammalu qawlahu lasta, ça c'est du nafi. Azbal, c'est celui qui travaille dans les déchets, dans les ordures, un éboueur. Anta lasta bizabbal. Qala wala ghassal thiyab, al ghassal c'est celui qui nettoie les vêtements. Wala kannas, wala khaddam, wala tabakh, ça c'est du nafi. La est-ce que c'est du mat? Abadan. Est-ce que ce roi, ce gouverneur, il va apprécier le kalam? Abadan. Limadha? Li'anna le kalam, il est haq fil haqiqa. Si tu réfléchis, ce gouverneur, ce roi, n'am, c'est pas un éboueur, c'est pas, il travaille pas dans une laverie, la akhri, il nettoie pas les escaliers, les maisons, tout ça, c'est sahih, il ne le fait pas. Lekin le citer, c'est pas min bab il mette. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن هذا بالنسبة له مكروها هذا بالنسبة لهم مكروها. Pourquoi Cheikh Al-Uthaymin il a cité هذا المثال؟ Pour te montrer, أخي الكريم, أن التفصيل في النفي c'est من طريقة أهل البدع. Et c'est en rien du madh. On revient الآن à أهل البدع. Qu'est-ce qu'ils disent؟ المعتزلة كما تقدم معنا كثيرا dans les دروس qu'on a fait, أنهم يعطلون الصفات. Pour eux, Allah il n'a pas de صفات. مجرد des noms. Pour eux, Allah, c'est le Sami', c'est le Basir, c'est le Qadir, c'est le Qawi, il a akhri, lakin Sami'un bila Sam'a. C'est le Sami', lakin il n'entend pas. Taqaddam ma'ana hada kathira. Fahoum, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, si tu lui demandes, est-ce qu'Allah il a du ilm, il va te répondre, Allah la yajhal. Il ne va pas te dire qu'il a du ilm. Si il dit il a du ilm, pour lui c'est du ithbat, et ça va impliquer les égarements qu'il prétend. Fahimtum? فأو لي دير الله إلى جعل الله سر قوي إلى القوة المطلقة إلى القدرة الكاملة إلى آخره هم يبون دير الله سبحانه وتعالى لا يجهل أي إلى نيوخبا والله سبحانه وتعالى كذلك القدرة يبون دير الله سبحانه وتعالى يا rien qui ne peut pas faire إلى آخره ils vont pas dire il a la capacité لماذا لأن l'être humain كذلك إلى القدرة عندهم سوف impliquer التمثيل هذا خلاصة هذا الكلام كله. Et Cheikh Al-Islam, rahimahullah, tawassa'a fi hada dans ce livre, khasatan At-Tadmouriya. Et si tu as compris hadhihi al-qa'ida avec ce kalam simple, avec ce mithal de Cheikh Al-Uthaymin, fa insha'Allah ta'ala, ça te servira prochainement. Al-khulasa, anna tariqat ahl al-sunna fi babu al-sifat, et c'est une règle, annahum yufassiluna fi al-ithbat. Comme c'est cité dans le Coran. Dans le Coran, tu as beaucoup de versets sur des noms d'Allah et des sifat d'Allah en détail. Quand on dit en détail, il y en a plusieurs. Et tu verras que un nafi, c'est mimbab al-ijmal. Qui sait qu'il y a un exemple de nafi mimbab al-ijmal? Amma al-ithbat fa taqaddam ma'ana. Bal yadah mabsoutatan yinzilu rabbuna. Tout ça c'est min al-ithbat. Et c'est mufassal, c'est cité dans le Coran al-Karim. Qui sait qu'il y a un exemple de nafi mujmal? Hatta on applique notre qa'ida. Allah subhanahu wa ta'ala nafa an nafsahu. بعض الأشياء لكن من باب الإجمال صن دتالي ها تفضل أخي أحسنت ولم يكن له كفوا أحد وقوله عز وجل ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى il n'a pas dit عز وجل il ne ressemble pas à telle chose il ne ressemble pas à telle chose il ne ressemble pas à telle chose il ne fait pas telle chose أبدا إجمال c'est une règle ليس كمثله شيء il n'y a rien qui ressemble à Allah سبحانه وتعالى انتهينا ça c'est du إجمال. التفصيل الإثبات c'est du تفصيل. الله il a des mains, il a un visage, il descend, il a des yeux, il a des pieds, وهكذا سبحانه, il a des doigts. Tout ça on a des أدلة qu'on a étudié ensemble في الاقتصاد et inshallah qu'on étudiera ensemble في الواسطية. Si vous avez compris cette règle, فالحمد لله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله. On finit sa parole du شرح et pour lier le مثال à la règle. قال مع العلم بأن المعطلة أي المعتزلة وغيرهم يركزون على صفات النفي ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات لأنهم والعياذ بالله يعتقدون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل إلى آخره. Vous avez compris هذا الكلام. هذا الشيخ ابن العثيمين قال رحمه الله أن المعطلة pourquoi ils ont fait du tafsil في النفي لأن pour l'ithbat si tu dis qu'Allah il a des doigts tu le fais ressembler aux créatures. Si tu dis qu'Allah il a un visage, tu le fais ressembler au créateur. Et هذا c'est باطل. لماذا c'est باطل؟ لأن الله عز وجل أثبت هذه الصفات لنفسه وهو أعلم بنفسه عز وجل. Comme on a vu كثيرا auparavant. فالحمد لله. القاعدة لكلير. نكمل. قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. نعم. Donc الصفات السلبية المنفية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية تذكر في الإجمال et أحيانا تذكر بالشيء من التفصيل pour certaines causes. Il en a cité trois. C'est ça la règle. أن الصفات المنفية en général c'est pas détaillé. On a l'exemple ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est pas détaillé. أنه il ressemble pas à telle chose à telle chose. Là c'est une règle générale. Allah il ressemble pas à la créature. Dans certains cas Allah subhanahu wa ta'ala il précise. لكن pour une cause il a cité trois cas. قال الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. Donc ça on est dans l'ijmal. Enfin, ces trois cas, il a cité plutôt al-ijmal, thumma, il va montrer dans certains cas pourquoi c'est pas du ijmal. Donc le premier cas, on l'a vu, c'est du ijmal. Falihada qal bayan umum kamal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qal laysa kamithlihi shay' li'annahu il est parfait. Il ne peut pas ressembler azza wa jalla à quelque chose d'imparfait, quelque chose de faible, quelque chose qui a des défauts. Enfin, c'est pour ça qu'Allah ne ressemble pas à la créature. هذا اولا ثانيا نفي المدعى في حقه الكاذبون. فهنا tu trouveras شيء من التفصيل لكن pour répondre, pour réfuter à certains koufars qui prétendent maintenant que Allah azza wa jalla a telle chose, فالله سبحانه وتعالى نفع نفسه cette chose pour montrer que هؤلاء c'est des menteurs. مثلا قال كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا c'est du nafi. أين النفي dans ces versets? On est toujours dans باب النفي الصفات المنفية. Trois cas. Le premier cas c'est باب العموم, c'est en général parce que Allah il est parfait. Deuxième cas c'est pour répondre aux menteurs qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala mathalan il a un enfant. Et il y a un nafi dans ces deux versets. أن يتخذ ولدا. نعم وما ينبغي. أي الله سبحانه وتعالى il a pas d'enfant, il prendra jamais d'enfant. هذا donc c'est une réfutation contre les chrétiens. أخزاهم الله qui ont et qui prétendent toujours que Allah subhanahu wa ta'ala il a eu un enfant. Donc هنا التفصيل النفي نفي اتخاذ الولد c'est pour répondre, c'est une réfutation. ففي هذا الحال tu trouveras quelques détails. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. أي dans certains cas بعض الناس ils peuvent comprendre un نقص dans un فعل معين. مثلا on lit le مثال كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فبعض الناس peuvent comprendre من هذا الكلام comme ils ont compris وعلى الكفرة اليهود أن الله سبحانه وتعالى il a créé les cieux et la terre en six jours ثم il s'est reposé. هذا لا شك c'est du كفر طعن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى pour répondre à هؤلاء قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas créé les cieux et la terre d'un coup, il aurait pu azza wa jalla, il est capable de tout. كُنْ فَيَكُونَ. لكن Allah subhanahu wa ta'ala لِحِكْمَةٍ عَظِيمَ il a décidé de créer les cieux et la terre en six jours. فبعض الكفرة ils ont pensé عِيَدًا بِاللَّهِ أن Allah subhanahu wa ta'ala تَعِبَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. اللُغُوبِ c'est التعب, الإعياء, le fait d'être fatigué. Et c'est du naqs. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفع عن نفسه اللغوب التعب. فلهذا قال وما مسنا من لغوب. Ça c'est du nafi. أي توهم توهم c'est le fait de penser عيادا بالله توهم نقص le fait de penser un défaut, un manquement, une imperfection. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحال أحيانا يفصل في النفي pour répondre à هؤلاء. فهذه الحالات كالشيخ ابن عثيمين il a cité et بعض العلماء بعض الشراح il rajoute certains points لكن pour l'instant alhamdulillah si on a compris نحن ces points enfin, c'est ça l'objectif. On récapitule la règle القاعدة الرابعة أن الأصل في الصفات الثبوتية c'est التفصيل. فلهذا قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت plus tu cites des صفات في الحقيقة plus tu vas citer du كمال. C'est pour ça que dans le kitab wa sunnah tu as jumla kabira min an-nusus fi al-asma'i wa sifat. Tu as beaucoup de textes dans les noms et dans les attributs. Et madhhab al-sunnah fi an-nafi c'est al-ijmal kama fi al-Qur'an. Laysa kamithlihi shay' lam yakun lahu kufuwan ahad ila akhirih d'autres adila. Dans certains cas il y a shay' min at-tafsil pour une cause bien précise. Cheikh Ibn Uthaymeen il les a cités. استفدنا de cette qaida أن بعض أهل البدع خالفوا القرآن والسنة ومذهب السلف في هذا الباب. Ils ont fait le contraire, عياذا بالله. يفصلون في النفي فيخالفون القرآن في القرآن il y a pas de تفصيل في النفي sauf dans des cas bien limités que شيخ ابن عثيمين l'a cité et الإثبات في الإجمال ils disent pas qu'Allah il a telle صفات أبدا pourquoi عياذا بالله لأنهم يعتقدون الناس celui qui dit qu'Allah il a telle صفة ou tel nom ça implique qu'il y a plusieurs divinités et كذلك ça implique que Allah سبحانه وتعالى il ressemble à la créature et هذا c'est باطل من وجوه ذكرناها ولله الحمد dans plusieurs doros et on les recitera ou شيخ ابن عثيمين les a cités rahimahullah dans les règles في الأسماء والصفات. La dernière règle de l'asma wa sifat, elle est nafi'a jiddan. C'est pour ça qu'on ne détaille pas huna. La dernière règle dans l'asma wa sifat, il a détaillé, rahimahullah, manhaj ahli sunnah wal jama'a fi l'asma wa sifat, et il a répliqué contre ahli al-bida' fi hada al-bab. Et huna, walillahi alhamd, il a cité kalam mufid, et inshallah, on prendra plus de temps pour expliquer l'égarement de ha'oula. Wa illa fal'an. L'essentiel, c'est de comprendre règle par règle. هذا الكتاب, pour avoir un aperçu طيب في الأسماء والصفات, il faut faire toutes les règles. وإلا, si tu t'arrêtes l'un, وربما l'un, je vais te poser certaines questions sur أهل البدع, tu vas vouloir comprendre certaines choses. فلا تستعجل. العلم, c'est حبة حبة. الآن, chaque règle, vous avez remarqué, تستفيد شيئا جديدا. Et à la fin, بحمد الله عز وجل, tu auras un aperçu طيب. Et tu auras un مفتاح عظيم pour هذا العلم. حقيقة هذا الكتاب et tous les كتب de أهل العلم خاصة on parle المتون المختصرة pour les débutants في العلم الحقيقة c'est des مفاتيح طيبة c'est comme des clés بل c'est des clés pour العلم لأن العلم il est واسع et si tu rentres pas par le باب فستتعب وتتعب غيرك tu vas te fatiguer tu vas fatiguer les autres et pour rentrer par la porte il te faut المفتاح المفتاح c'est ces مختصرات. Le miftah, c'est le hib. Et c'est comprendre hadith al-mukhtasara. Thumma, ça t'ouvrira la porte et tu verras, il y aura un ilm wasi' en face de toi. Et, alhamdulillah, tu sauras par où commencer. Et jour après jour, mois après mois, année après année, ça t'estavide. Ça t'estavide. Masha'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahakada al-ilm. On répète hada souvent, lakin c'est muhim. Na'khod al-khamisa. Allez, simple kadhalik. Ou elle est courte plutôt, et on va essayer de la simplifier. Qala rahimahullah, al-qa'idatul khamisa, la cinquième règle, donc concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Al-sifat, al-thubutiyya, tanqasim ila qismin, dhatiyya wa fi'liyya. Awulan, avant d'expliquer cette règle, à partir de huna, on a fini. Ma yata'allak bil sifat al-manfiyya al-salbiyya. Limadha li'anna aqidata al-sunnah, kama taqaddam, c'est al-ijmal. Donc on n'a pas besoin de détailler fihala. À partir de là, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il va citer quelques qawa'id pour finir sur as-sifat ath-thubutiyya. Comme l'ilm ou le basar ou le nuzul ila akhir. هذه الصفات الثبوتيه الثبوتيه on répète التي اثبتها الله عز وجل لنفسه او رسوله الكريم في السنه عليه الصلاه والسلام. C'est ça as-sifat ath-thubutiyya. هذه الصفات تنقسم الى قسمين. Les ulama, ils les ont divisés en deux catégories. Zatiya wa fi'liya. Zatiya wa fi'liya. Zatiya, ça vient du mot zat. Et fi'liya, ça vient du mot fi'l. Avant de détailler, deuxième tambih. An hada taqsim, il n'y a aucun dalil alayhi. Il n'y a aucune preuve ala hada taqsim. As-salaf, alayhim rahmatullah, ils n'ont jamais cité mitl hada taqsim. C'est pour ça que tu ne trouveras pas هذا التقسيم عن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى. Ils n'ont jamais cité هذا التقسيم. لماذا؟ لأن الصفات كلها c'est des صفات d'Allah عز وجل. فالحمد لله en tant que مؤمن تؤمن بالصفة. Et ça fait monter ton iman. Et تعمل بمقتضى ذلك. مثلا الرحمن. Tu sais qu'Allah c'est Rahman, il a sifat al-Rahman, fait tu fais tout pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te fasse miséricorde. Al-Ghafour, il te pardonne. Moi, hakada. Lakin, quand on dit qu'il n'y a aucun dalil, ça ne veut pas dire que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, atta bi qawl muhdath, ou bi wid'atin fi hadha al-bab. Ma'ad Allah. C'est un imam fi sunna, rahmatullah alayhi. Enfin, la question qu'on peut se poser, limada al-ulama, ils ont cité hadha al-taqsim. Ça, c'est pour vous montrer, elle n'a rien à l'ulama. ils emploient des mots khasatan fi bab at-taqsimat ou des taqasim مثلا مثل شروط لا اله الا الله مثل التقسيم صفات ذاتيه وفعليه tout ça il n'y avait pas à l'époque des salaf لكن لماذا العلماء ياتون بمثل هذه التقسيمات شيخ معثمين il a répondu في الشرح قال رحمه الله قد يقول قائل هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص فما بالنا نقسم هذا التقسيم في الحقيقة هذا سؤال طيب فلهذا قال شيخ العثيمين رحمه الله وهذا إيراد قوي جدا تستفيد de cette partie ماذا أن à chaque fois que tu as un قول أخي الكريم أو un فعل من باب أولى un معتقد qui est lié au دين C'est-à-dire, واحد, il prétend que telle chose c'est une sunna, ou c'est wajib, ou un autre, il prétend que ça, ça fait partie de l'aqidat salaf, ou un autre, il prétend que ce fi'l, c'est bien de le faire dans notre din, il a akhir. Tu dois d'aïman te poser cette question. Pour motiver les tullab et pour leur montrer que même si c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen et c'est son livre, هذا السؤال il a un wajib. Ça peut être la parole de quiconque. Il faut forcément un délit min al-kitab ou min al-sunna. Enfin, celui qui prétend que cette chose, elle se divise en deux, ou cette chose, elle est obligatoire, cette chose, c'est mieux de la faire, cette chose. Et on parle de notre deen, mais au mourad dunya, c'est autre chose. Dans notre deen, falabud min dalil. Pour préserver هذا الدين. Enfin, Cheikh Ibn Uthaymeen قال وهذا إيراد قوي جدا. Aïe de se poser cette question, c'est طيب. قال ويجاب عنه بأن يقال. La réponse. لأن Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله, il a cité ce taqsim. Et في الحقيقة لا شك أنه il a bien fait de le citer. لكن pourquoi il l'a cité? قال لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه يحتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه وما يرد فيه الخلاف وما لا يرد. Vu que après les salaf خرج قوم من أهل البدع. On a détaillé dans l'ordre, dans la série de cours sur les sectes, Al-Khawarij et l'Akhiri, on avait étudié Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila ou Al-Ash'ari. Ces trois groupes qui sont sortis après les salafs et qui ont dévié via Al-Bab. Fa'ha'oula, quand ils sont sortis, Iyadun Billah, et ils ont inventé des aqwal fussifat, ils ont rejeté certaines choses, ils ont accepté d'autres, ils ont interprété certaines sifat, ils en ont déformé d'autres, ila akhiri. Fa'l'ulama, ceux qui suivent les salafs, à Immat Sunnah, ils ont été contraints, entre guillemets, de faire Hadha Taqsim pour montrer l'égarement de Ha'oula. Et pour montrer, il est où le haqq et il est où le batil. Mithal pour vous simplifier. Ba'd Ahl al-Bida', al-Ash'a'ira par exemple, ils acceptent certaines sifat. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, il est sami', il est basir, il a l'ilm, il a akhir, ils acceptent toutes ces sifat. On verra que ça, c'est des sifat dhatiyah. تستفيد من هذا أن الأشاعرة la plupart des صفات الذاتية ils les acceptent et أحيانا ils ont de l'égarement حتى في هذا الباب لكن on parle في الجملة ils les ont accepté. Tu verras que certaines صفات ils les ont rejetées. Les صفات qu'ils ont rejetées en général c'est des صفات où il y a un فعل, une action. العلماء ils les ont appelés صفات فعلية. فمثلا Allah سبحانه وتعالى il descend le chaque dernier tiers de chaque nuit, le dernier tiers de chaque nuit, c'est une صفات فعلية. On verra c'est une action. Allah il descend. Hum, ils ont rejeté ça. Pour eux, les sifat, ça ne peut pas être une action. Pour eux, les sifat, c'est forcément dhatiya, faqat. Sans détailler, bien sûr, le regard. Donc, les ulama, ils se sont aperçus que, مثلاً, ils acceptaient certaines sifat, ils rejetaient certaines sifat, dès qu'ils ont cherché pourquoi, ils se sont aperçus que ce sifat, fil haqiqa, elles étaient lazima li dhat, et ces sifat, c'était des sifat qui était lié à un fi'l al-mashi'a. Ils ont fait deux groupes. Ils ont dit en fait, il y a des sifat dhatiya, il y a des sifat fi'liya. Est-ce que le taqsim il est faux? Il n'est pas faux. Lakin, vu que salaf ils ne l'ont pas cité, on ne le cite pas sauf s'il y a une hajj. Ça nous montre que s'il y a une hajj, ou l'ulama yaraoun, que cette chose, il y a une maslaha azim, et le fait de le citer, il y a une mafsada. Même si le salaf ne l'avait pas cité, l'ulama al-sunnah il le cite. Fali hada, a'immat al-sunnah, que Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Muqbil, وقبلهم شيخ الإسلام تيمية بن القيم إلى آخره ils ont cité هذا التقسيم ولا أحد فيما نعلم ينكر هذا. لماذا؟ لأن سبان تقسيم من باب التعبد، لا تقسيم من باب البيان. أنجب نحن سنة تقسيم أبدا، لا من باب البيان. C'est comme un outil pour te faciliter pour comprendre. Et ça reste un outil. فلهذا، et ça c'est important، أن si tu expliques à des عوام مثلا شيء من الصفات إلى آخره، enfin, tu n'as pas besoin de rentrer dans ces détails. Fi'liya, dhatiya, khabariya, ma'nawiya, sam'iya, naqliya, ila akhiri. Il ne comprendra pas. Et rubbama, ça va lui mettre des doutes. Ou rubbama, ça va le repousser min hadha l'ilm al-azim. Là, vu que nahnu, walillahi alhamd, on essaie de faire des efforts fi hadha al-bab. Et on a déjà étudié plusieurs livres. On a l'intention, bi tawfiqillah, d'étudier d'autres. Étudier kalam al-ulama, c'est bon. Fi hadha. وإلا فالعوام ديتايي في هذا الباب ما يفهمون سي با من الحكمه سي با من الحكمه العوام فلو apprendre التوحيد فلو apprendre العقيده فلو apprendre الحلال الحرام الى اخره اي سيرتان ديتاي tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails avec tout le monde هذا. Donc alhamdulillah on a la réponse. On revient à la قاعده. قال الصفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين ذاتيه وفعليه. قال فالذاتية، بعض العلماء يلابل اللازمة، الصفات اللازمة الذاتية. الأمر سهل. L'essentiel c'est que tu comprennes pourquoi ils les ont appelés ذاتية أو c'est quoi une صفات ذاتية. قال هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة إلى آخره. أولا تعريف واضح. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي الله سبحانه وتعالى il a toujours eu cette صفة، il l'aura toujours، il l'a en ce moment، il n'y a pas un moment où il n'a pas cette صفة. فسنس pour ça qu'il appelle لازمة. بعض العلماء يعبرون لا تنفك عن الله عز وجل. C'est ça الصفة الذاتية. Avec l'amthila ça va être plus clair. كالعلم مثلا صفة العلم صفة ذاتية. لماذا؟ لأن الله عز وجل il a toujours صفة العلم. Il n'y a pas un instant أنه il a pas cette صفة. لماذا؟ لأنه عيادا بالله ne pas avoir cette صفة العلم. La science c'est être ignorant. L'ignorance c'est du نقص. C'est de l'imperfection. Et Allah سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص والعيوب. القدرة نفس الشيء. الله سبحانه وتعالى إلى القدرة مطلقة دائما وأبدا أزلا إلا توجوه إلا توجوه القدرة سي لا كاباسيتي. قال والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة إلى آخره. قال ومنها الصفات الخبرية. تستفيد من هذا أن الذاتية بعض العلماء الشراح dans d'autres livres كذلك اللي divise en deux. لأن حتى بعض الصفات الذاتية مثلا الأشاعرة اللي رجت مثلا لما الفيزاج إلى آخره يرجت هم هذا pourtant c'est une صفة ذاتية. Donc quand on avait dit أن الأشاعرة رجت صفة الأفعال ça veut pas dire qu'ils rejettent que cela أبدا لأن حتى في الذاتية il y a un تقسيم. Le تقسيم il est simple. إن شاء الله la prochaine fois on essaiera de résumer dans un tableau et on va pas détailler. On ne va pas détailler. Et sur le thème, il ne l'aurait pas cité là-dedans, on ne l'aurait pas cité pour simplifier. Lakin il a cité, falabud min al-bayan. Lakin bi-ikhtisar. As-sifat al-dhatiyya, elles sont de deux catégories. Les deux, c'est des sifat al-dhatiyya, allati lam yazal wa la yazal, muttasifan biha. Et Allah Azza wa Jal. Ces deux catégories, Allah il les a toujours ou il les aura toujours. Et il n'y a pas un moment où il ne les a pas eu. Azza wa Jal. Al-ilm, wal-qudra, wal-sam, wal-basar, wal-izza, ila akhirih. هذه بعض العلماء اللي يسمون صفات معنوية. سي ان قسم. دونك سي اون في ان تابلو اي اون فيرا ان تابلو ان شاء الله الصفات ثم الصفات هاد سي ديفيز ان دو ذاتية فعلية. الذاتية سي ديفيز ان دو معنوية خبرية. سا دونغا هكذا تون تابلو. المعنوية سا فيان دو مو معنى. العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو إلى آخره. فهذه صد الصفات معنوية. بعض العلماء يزوج أجوتي عقلية لأن العقل إلى أكسب فاسلما سيشوز. ومنها الصفات الخبرية. سافين جمو خبر. قال كالوجه واليدين والعينين. Donc, pour faire la différence entre les deux, si on détaille qalilan al-khabariya, vous comprendrez l'autre qism al-ma'nawiya. On est toujours dans zatiya, qui se divise en deux. Khabariya, ma'nawiya. Al-khabariya, qala kal-wajh, wal-yadayn, wal-aynayn. Awalan, ils les ont appelés khabariya, ça vient du mot khabar. Limada? Lianna al-aql wahda. Il peut pas accepter. Falihada, matalan, si tu parles avec un ami min al-muslimin qui n'a étudié aucun livre de l'aqidah, il ne connaît pas Adil Masail. Si tu lui dis est-ce qu'Allah il a sifat l'ilm l'akhir, facilement il va accepter, même s'il n'a pas de délit. C'est une ma'na et les gens ils l'acceptent l'akhir. Si tu lui dis madalan Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage ou des doigts, roubama ça le bloque si tu lui cites pas de délit. Limada, khasatan s'il a été élevé dans un endroit tamakkanu fihi al-ash'ira et il a été touché par les choubaf, il va penser au tamthil directement. Tu es obligé de lui montrer en Allah subhanahu wa ta'ala il a informé en awla cette sifa laysa kamithli shay ila akhir. Hada c'est pour montrer la différence entre khabariya et ma'nawiya. Kadhalik, une autre chose pour les différencier et pour faciliter, et Cheikh Ibn Uthaymin il a cité hada dans son sharh. بعض العلماء يفسرون أن الخبرية بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. Pour nous, en tant qu'être humain, c'est des membres. الوجه اليدين العينين إلى آخره. Ces attributs, pour nous les humains, on ne parle pas des attributs d'Allah Azza wa Jalla, لكن un visage, une main, إلى آخره, pour nous, c'est des membres. مثلا, mon visage, ma main, mon pied, c'est des membres. في حق الله عز وجل, tu ne peux pas parler de membres. فلهذا العلماء لا يقولون أجزاء أبعاد في حق الله. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit خبريه, سمعيه. Ça s'arrête au سمع. لكن pour te faciliter, أنت أن المعنوية c'est des معاني comme العلم إلى آخره, القوة القدرة etc. والخبرية pour nous أجزاء وأبعاد, c'est des membres. أما في حق الله عز وجل tu ne parles jamais de أجزاء أو أبعاد. الله أعلم. في هذا الحال on s'arrête, la nuthbit ولا ننفي, on n'a aucun délit في هذا, لكن on n'a pas le droit de dire هذا, il faut un délit. مفهوم هذا. Donc on récapitule, الذاتية elle se divise en deux, خبرية ومعنوية. Et الذاتية هي التي لم يزل ولا يزل الله متصفا بها. Avec ce taqsim tu auras beaucoup de facilité à comprendre l'égarement de الأشاعرة. أما l'égarement de الجهمية والمعتزلة il est simple, ينكرون جميع الصفات. لكن في هذا الباب tu auras besoin de هذا التقسيم pour الأشاعرة الماتريدية الكلابية, tous ces égarés انحرفوا في هذا الباب. Tu verras que الصفات الذاتية المعنوية en général ils les ont acceptés. Allah subhanahu wa ta'ala il a l'ilm, Allah il a l'qudra, il a l'sam, il a l'basar, ça fait partie des صفات que l'ash'ara yuthbitun. Sans entrer dans les détails, il y en a hatta fi ithbatihim ahyanan yadul igarmu. الخبرية كالوجه واليدين إلى آخره إلا إذا أكسبتوا يحرفونها. لماذا؟ Si tu reviens aux deux اصطلاح معنوية عقلية خبرية سمعية, الأشاعرة في الحقيقة dans ce باب ils se basent sur la raison, ils font passer les textes après. فلهذا ils ont accepté beaucoup ou certaines صفات que la raison elle accepte facilement. الأشعري مثلا يدينا أن الله سبحانه وتعالى إليه vivant, الله سبحانه وتعالى إلى du علم, الله سبحانه وتعالى إلى entend, إلى آخره, لأن العقل لا accept هذا. Quand tu bascules dans l'autre catégorie, الخبرية السمعية, c'est السمع, c'est النص, العقل يسوي في الحقيقة, لكن vu que في الحقيقة هم يخالفون حتى العقل, ils ont du mal à accepter et ils les ont interprétés, بل ils les ont عيادا بالله déformés. هذا هو الخلاصة في هذا الباب. Le prochain cours, inshallah, on essaye de faire un tableau très simple pour vous rappeler de ce taqsimat. Wa illa fakama taqaddam. As-Sunni il accepte toutes les sifat wa lillahi alhamd. Lakin hada al-bab il est tayyib, pourquoi? Pour comprendre les autres livres. Là, tu verras les autres livres. خاصة كالتدمورية والحموية و دي ليفر انكور بلو ديتايي الصواعق المرسلة دو الإمام ابن القيم إلى آخره. Tu verras qu'ils emploient ces istilahat. ويردون على الأشاعرة بقوة. Si tu n'as pas compris هذا, tu seras perdu. الشيخ مثلا il va parler de صفات خبرية et كلام طويل et سيرد أنت tu comprendras pas. فلهذا ce taqsim il est مهم pour طلبة العلم. Pour طلبة العلم il est très important. Et Cheikh Nouathimin il a simplifié. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. الفعلية bien sûr c'est des صفات d'Allah عز وجل. Et السلف ils faisaient aucune différence كما تقدم. Ils acceptaient الصفات الذاتية والفعلية. Pour eux il n'y avait aucune différence. لكن أهل البدع كما مر معنا ils ont différencié. فالعلماء ils ont cité ce taqsim pour leur répondre. فالفعلية هي التي تتعلق بمشيئته. المشيئة c'est la volonté. أي إذا شاء الله عز وجل فعل وإذا لم يشاء لم يفعل لحكمة. Le fait qu'il ne fasse pas في هذا الحال c'est du كمال. فانتبهوا la différence. أما الصفة الذاتية le fait de ne pas l'avoir dans un moment c'est pas du كمال. مثلا ne pas avoir de ilm dans une certaine durée c'est du naqs, c'est de l'ignorance. Ou ne pas avoir de capacité dans un certain moment c'est du naqs. فلهذا الذاتية الله il les a toujours eu, il les aura toujours. لا تنفك عنه أبدا عز وجل. الفعلية c'est متعلق بالمشية. Si Allah il veut il fait, si il veut il ne fait pas. Quand il fait c'est de la perfection, c'est du kamal. Quand il ne fait pas azza wa jal, c'est de la perfection et c'est du kamal. Al-istiwa 'ala al-'arsh wa an-nuzul ila as-sama' ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, quand est-ce qu'il a fait l'istiwa? هذا الفعل عند من؟ تفضل. أحسنت. بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. Ensuite azza wa jal s'est élevé sur son trône. Al-istiwa. Donc, هذا الفعل الله سبحانه وتعالى il l'a fait après avoir créé les cieux et la terre. لماذا؟ لأن الله c'est le hakim. La perfection c'était de le faire à ce moment, il l'a fait à ce moment. Donc, c'est une sifa fi'liya. Elle est mutaliqa, elle est liée à la volonté. Et هكذا النزول. Allah il descend, كما جاء في الحديث, في الثلث الأخير. De chaque nuit, le dernier tiers de chaque nuit. Allah il descend à ce moment, c'est une hikmah et c'est la perfection, c'est du kamal. Et il ne descend pas à un autre moment, c'est min al-hikma et c'est la perfection. Fahada. C'est ça la différence entre les deux. ثم قال رحمه الله وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام. الحقيقة هذا c'est pour toutes les صفات. Toutes les صفات فعلية. Et on essaye de simplifier. On lit l'exemple du كلام. عائشة بن عثيمين هنا يمونتخ أن بعض الصفات الفعلية comme الكلام. الكلام c'est une صفة فعلية. الله سبحانه وتعالى يبارل quand il veut عز وجل. Et quand il parle, c'est bi-hikma et c'est la perfection. لكن cette صفة elle est فعلية et en même temps elle est ذاتية. Les deux. لماذا؟ قال فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية. أي ça veut dire quoi باعتبار أصله؟ On l'a vu هذا في اللمعة et on l'a vu في اللامية et ma adri est-ce qu'on l'a vu في الاقتصاد. Vous vous rappelez, on avait vu قادمتو النوع حادثتو الأحد. C'est هذا الكلام. مثلا قوله فإنه باعتبار أصله. أي est-ce que Allah سبحانه وتعالى il a toujours été متكلم؟ نعم. Il a toujours eu cette صفة. انتبهونا. Il a toujours eu. Ça c'est قوله فإنه باعتبار أصله الصفة الذاتية. ثم قال لأن الله عز وجل أو لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. الله il a toujours eu cette صفة. لأن le fait de ne pas avoir cette صفة c'est du نقص. Celui qui n'a pas cette صفة comment on l'appelle? Un muet. C'est du نقص. الله سبحانه وتعالى il a toujours eu cette صفة. لكن قال وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية. لكن le fait de parler avec un كلام précis. مثلا quand الله سبحانه وتعالى il a parlé à Moussa, il a parlé avec un kalam précis. Quand il a parlé à Adam, il a parlé avec un kalam précis. Quand il a parlé à Iblis, il a parlé avec un kalam précis. Quand il a parlé à notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, wa hakada. Donc, le fait de parler sur une sifa fi'liya, amma asl as-sifa, l'attribut, Allah il l'a toujours. فصن صفة ذاتية فعلية. وهذا كما يقول بعض المحققين من أهل العلم c'est pour toutes les صفات. لماذا c'est pour toutes les صفات؟ لأن si on dit que Allah il avait pas cette صفة à un moment c'est du naqs. فالله il a toujours eu toutes ces صفات. لماذا؟ لأن il est parfait. Et le fait de retirer une صفة c'est la perfection. Il a toujours eu toutes ces صفات ذاتية أم فعلية. لكن الصفة الفعلية il les fait quand il veut, mais il les a toujours eu. Cheikh Ibn Uthaymin donne un exemple pour vous simplifier avec le kalam. Mathalan, walillahi al-mathalu al-a'la, lakin on donne un exemple d'être humain pour que vous compreniez faqat l'histoire de aslu sifa wa al-fi'l. Mathalan, en tant qu'être humain, walillahi al-hamd, dans la pièce, tous les frères, ils parlent. Il n'y a pas de muet parmi nous. Walillahi al-hamd. Est-ce qu'en ce moment vous parlez? Vous ne parlez pas. C'est moi qui parle. Est-ce que vous avez l'attribut de la parole? Non. Mafoum. Donc tu peux avoir l'attribut de la parole, mais à un moment tu ne parles pas. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, c'est bi-hikmah. Il a toujours eu l'attribut de la parole, il l'aura toujours. Lakin al-kalam, ce que Cheikh Ibn Uthaymin a appelé ahad al-kalam, et le kalam précis qu'Allah va parler, mathalan Allah subhanahu wa ta'ala, takallama bil-Qur'an. Allah il a dit, alhamdulillahi rabbil alamin. Ça c'est min kalam. Azza wa jal. Jibril il a entendu ce kalam. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, il a dit cette parole et il l'a révélée à Jibril. Est-ce qu'avant, il n'avait pas l'attribut de la parole? Na'oudou billah, il a toujours eu l'attribut de la parole. Lakin, l'action, elle est liée à la mashi'a, à la volonté. Hada, c'est pour toutes les sifat. Comme a bayyana l'allama, l'imam Mohamed Aman, rahimahullah, Cheikh Laharras, qablahum, l'imam ibn Abi al-Izz, et kathir mina a'immat al-sunnah. Na'am. Cette mas'ala, inshallah, elle viendra avec vous dans d'autres kutub. Lakin, c'était muhim de faire le tambih. Al-kalam huna, c'est mujarrad un mithal. Wa illa, fa c'est applicable pour toutes les sifat. Qala rahimahullah, li'anna al-kalam yata'allaq bimashi'atih, yatakallam bimashah, matashah bimashah, kama fi qawlihi ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an an yakoula lahu kun, fayakun. Qawluhu, an yakoula lahu kun, fayakun. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول ça c'est une parole, ça c'est un kalam, il dit kun et cette chose elle devient. Ça montre que Allah سبحانه وتعالى il parle quand il veut. Et que d'ailleurs quand Allah سبحانه وتعالى il a parlé à Moussa, il a parlé au prophète Mohammed عليه السلام, il a parlé à Adam, il parlera à chaque être humain يوم القيامة. على شكل الكلام اللي متعلق بالمشيئة. قال وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون لحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. Ça c'est pour montrer أن صفة الأفعال ça contredit en rien le كمال. حتى لا يقول قائل لكن si Allah سبحانه وتعالى il fait pas cette صفة à tel moment est-ce que c'est du نقص؟ أبدا. Maintenant, l'attribut de la parole, Allah, il l'a toujours eu. Il l'aura toujours. Le fait de parler et l'action, c'est quand il veut. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il fait le fi'l, c'est du kamal. S'il ne fait pas le fi'l, les hikmah, c'est du kamal, dans tous les cas. Et c'est ça la différence avec as-sifat al-dhatiyya. قال لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا هو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Vous avez remarqué que dans ce verset Allah سبحانه وتعالى il a cité le mashi'a, c'est la volonté, إلا أن يشاء الله, ça fait partie des attributs d'Allah سبحانه وتعالى. Et cette mashi'a, cette volonté, elle est liée avec deux choses, العلم والحكمة. Enfin, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait, c'est bi'ilm wa bi'hikma. Falihada qala azza wa jal, inna Allah kana aliman hakima. Il a cité ces deux noms à la fin de ce verset. Al-khulasa de cette règle, en détaillant, ou la première fois, ça peut paraître compliqué, lakin alhamdulillah, les frères qui ont déjà étudié hadhihi al-masa'il, pour eux c'est une révision. Pour les frères dont c'est la première fois, retiens le résumé. Et le résumé, c'est un as-sifat al-qasim ila qismayn. Deux catégories, tu peux les classer. Dhatiya, fi'liya. Al-dhatiya, allati lam tazal, ou lam yazal, ou la yazal, muttasifan biha Allah Azza wa Jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a toujours eu, et à aucun moment, هذه الصفة il ne l'a pas. نعم. Et بعض العلماء ils ont recité deux catégories. نعم. المعنوية et الخبرية. الصفة الفعلية pour la retenir أنها متعلقة بالمشيئة. Elle est liée à une action. C'est pour ça que si on te demande maintenant, est-ce que la vie, الحيات d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une صفة ذاتية أم فعلية؟ عند من؟ Tout le monde doit répondre. تفضل. Il n'y a pas un moment Allah subhanahu wa ta'ala il n'avait pas de vie. N'a'oudou billah, ce qui n'a pas de vie c'est qu'il est mort. C'est très simple. Maintenant, sifat al-rahma, c'est une sifat dhatiya ou fi'liya? Hein? Tadda. Fi'liya, limada? Naam, yarham man yasha. Peut-être qu'aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala rahima dans un pays, un qawm avec la pluie. Ou peut-être qu'il a guéri tel enfant, c'est min rahmatillahi azza wa jal. Kadhalik, c'est une sifa dhatiya ala al-qawl bi tafsil. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu sifat al-rahma. Et l'exemple de al-rahma, il est tayyib, il y en a, on a deux noms, al-rahman ou al-rahim. Ibn al-Qayyim, il dit al-rahman c'est dhatiya, ou al-rahim c'est fi'liya. Wa alhamdulillah, petit à petit, si c'est compliqué, on essaiera de simplifier un peu plus si on peut faire le tableau la prochaine fois. Wa illa falhamdulillah. Le kalam, il est très très simple. Et كذلك الطالب fait des efforts dans la lecture des shurouh. Et nous, en fait, le temps il est ضيق. Le temps il est court et on ne peut pas tout citer comme exemple comme kalam ahl al-ilm, mais l'explication qu'on fait ensemble inshallah elle suffit. Mais la lecture des shurouh, des shurouhat plutôt, le talib yastafid ilman wa adaban wa قبل ذلك أجرا سيل مخلص فالإنسان لا يبخل عن نفسه شرح شيخ ابن عثيمين il est simple وهكذا d'autres شروح ils sont assez simples et celui qui n'a pas la قدرة il n'a pas compris il comprend pas encore assez l'arabe فالحمدلله il révise ce qu'on fait ensemble et inshallah c'est amplement suffisant pour l'instant et il a أشكال عليكم شيء vous le dites. Il a ashkal alaykum shay, vous le dites, hatta le prochain tars, on insiste, on clarifie, on détaille, on simplifie. Un frère qui a du mal, mathalan, une masala, il ne le dit pas, on ne pourra pas savoir. Et on est là pour s'entraider, va m'avicher. Comme je vous ai déjà dit, on ne fait pas la course dans les drousses. Si le livre il doit prendre 6 mois et tout le monde comprendra, inshallah, on fera 6 mois, m'afficher. Si, alhamdulillah, c'est compris et on arrive à avoir une allure convenable, alhamdulillah, c'est tayyib. Dans les deux cas, c'est du ilm. Dans les deux cas, inshallah, on est récompensé. Fahada. L'insan, là, il ne doit pas, مثلا, dire s'il n'a pas compris, il y en a, on est pressé. Abadan, on n'est pas pressé, walillah, alhamdulillah.